22, compréhension auditive, phase 1, regardez les images ci-dessous, écoutez et répétez les passages qui leur correspondent. 1. Mireille et Robert sont assis à la terrasse. Ils parlent de leurs études. Deux. Un peu de cire est tombé sur la jupe de Mireille. Trois. Le garçon se précipite. Quatre. Hemingway se mettait toujours là où est Mireille. Le garçon n'a pas connu Hemingway. Il est trop jeune. 6. Robert n'est pas écrivain et il n'a pas de génie. Mais il va quand même boire. 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque passage que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Hemingway se mettait toujours là où est Mireille. B. Un peu de cire est tombé sur la jupe de Mireille. C. Mireille et Robert sont assis à la terrasse. Ils parlent de leurs études. D. Le garçon n'a pas connu Hemingway. Il est trop jeune. E. Robert n'est pas écrivain. Il n'a pas de génie, mais il va quand même boire. F. Le garçon se précipite.